URSS. Viendra te parler de paix avec un bloc dans les mains. Et y'a rien de personnel, je l'ai fait, c'était pour les miens. Et plus faire dans l'anonymat, l'autre ça m'a dégueulé cramé. F430 la flicaille, me regarde comme si j'étais mal garé. Promis sur écoute tout le bâtiment. Promis sur écoute tout le bâtiment. Promis sur écoute tout le bâtiment.